Exercice spirituel de Saint Ignace de Loyola, traduit sur le texte espagnol par le Père Pierre Génesseau, J. de Gigor, éditeur, 1913. Le péché véniel. On a cru devoir présenter dans une seule méditation tout ce qui regarde le péché véniel. Cependant, comme la matière est très abondante, le retraitant pourra la partager en plusieurs exercices, ou se contenter de méditer un seul point, et de lire attentivement les deux autres. Cette remarque peut s'appliquer à d'autres sujets. Elle est du reste entièrement conforme à un avis que l'auteur des exercices formule en ces termes, et qu'il n'est pas inutile de rappeler ici. Si j'éprouve, dans un point de la méditation, les sentiments que je voulais exciter en moi, je m'y arrêterai et m'y reposerai, sans me mettre en peine de passer outre, jusqu'à ce que mon âme soit pleinement satisfaite. Première semaine, addition 4. L'oraison préparatoire ordinaire. Premier prélude. Je me représenterai un homme encore vivant, il est vrai, mais couvert d'un grand nombre de légères blessures, affaibli par des maladies et chargé de chaînes. Second prélude, je demanderai à Dieu la grâce de connaître et de détester le péché véniel. Premier point, nature du péché véniel. 1. Le péché véniel est un dérèglement volontaire de pensée, de parole ou d'action contraire à la loi de Dieu. Dérèglement toutefois qui ne va pas jusqu'à donner la mort à l'âme et la rendre digne de la damnation éternelle. Mais il a, du reste, la vraie nature du péché, il est essentiellement péché ou offense de la majesté divine. 2. Le péché véniel est appelé léger par comparaison avec le péché mortel, qui est en effet beaucoup plus grave, mais absolument parlant, et pris en soi, ce n'est pas un mal léger, car, après le péché mortel, c'est, au jugement de Dieu, et en réalité, le plus grand de tous les maux. Mal moral, d'un ordre supérieur à tous les maux de la nature, vrai mal de la créature raisonnable, qu'il vicie et qu'il corrompt. 3. Disons plus. Puisque le péché véniel est une offense de Dieu, il est donc le mal de Dieu, mal incomparablement plus grand que la désolation de tous les peuples, que le renversement de tous les états, que l'anéantissement du ciel et de la terre, que le malheur éternel de tous les hommes, et de tous les anges, qu'il ne serait pas permis d'empêcher, dit saint Anselme, par l'offense la plus légère. Saint Anselme, Cur Deus Homo, livre 1 chapitre 21. Voilà les vérités que la foi et la droite raison m'enseignent, m'y suis-je conformé jusqu'ici dans la pratique? Quelle sera ma conduite dans la suite? Continuerai-je à commettre le péché véniel avec cette facilité funeste, et à le regarder comme un mal léger? Second point. Effet du péché véniel. 1. Le premier effet du péché véniel, celui qu'il produit plus directement, c'est la souillure de l'âme. Il ne détruit pas en elle la grâce habituelle, mais il lui imprime une tache qui ternit sa beauté, il est à l'âme ce qu'un ulcère est au corps. Nous ne croyons pas, dit saint Augustin, que ces péchés donnent la mort à l'âme. Néanmoins il la couvre comme d'une lèpre qui la rend entièrement difforme, et ne lui permet de recevoir que très difficilement, ou avec une grande confusion, les embrassements de son céleste époux. Saint Augustin Sermon 41 de Sancti. 2. Le second effet du péché véniel est de rendre nos bonnes œuvres moins agréables à Dieu. Car il les vicie dans leurs principes et en elles-mêmes. Premièrement, dans leur principe, qui est le cœur de l'homme. Le péché véniel, surtout lorsqu'il est commis avec plus de délibération, n'imprime pas seulement une tache dans le cœur, Il dépose encore un germe vicieux. Voyez un cœur entièrement détaché des créatures, il se propose dans ses actions des motifs surnaturels, ses intentions sont droites, ses affections pures, nobles, généreuses. Il accomplit sans peine le précepte de l'apôtre, ne recherchez que les choses du ciel, n'ayez de goût que pour les choses du ciel. Colossiens 3:1-2. Voyez au contraire un cœur qui commet facilement le péché véniel, peu à peu ses voies deviennent moins droites, ses intentions moins simples, ses sentiments moins élevés, ses affections moins pures, plus communes et toutes languissantes. Dans ses actions et dans ses démarches, il ne se propose plus, pour l'ordinaire, que des motifs humains et terrestres, et si quelquefois encore il est mu par des motifs surnaturels, ces motifs n'agissent que faiblement. De là cette plainte de l'auteur de l'imitation. Nous ne considérons point la bassesse de nos affections, et nous ne déplorons point tout ce qu'il y a en nous d'impur. Imitation, livre 3, chapitre 31, numéro 4. Deuxièmement, en elle-même, par exemple lorsque nous prions avec tiédeur, lorsque nous récitons l'office divin avec des distractions volontaires, lorsque nous célébrons ou que nous entendons la Sainte Messe avec une dévotion, lorsque nous communions sans recueillement intérieur, lorsque nous travaillons avec mécontentement, lorsque nous obéissons avec des répugnances que nous ne combattons pas, avec murmure. Qui n'est obligé de reconnaître que de semblables actions sont remplies de défauts, et faut-il s'en étonner? L'arbre languit, comment produirait-il des fruits vermeils et savoureux? Quand nos affections intérieures sont corrompues, elles corrompent nécessairement nos actions, et dévoile ainsi toute la faiblesse de notre âme. Les fruits d'une bonne vie ne croissent que dans un cœur pur. Imitation, livre 3, chapitre 31, numéro 4. Mais si le péché véniel rend nos bonnes œuvres moins agréables aux yeux de Dieu, il les rend par conséquent moins dignes de récompense. Il prive donc l'âme qui le commet de plusieurs degrés de grâce et de gloire qu'elle eût acquis par sa fidélité, et qu'elle perd par sa faute. Ainsi, un Dieu éternellement moins connu, éternellement moins aimé, éternellement moins glorifié, voilà les suites d'un seul péché véniel, voilà les préjudices qu'il cause, puissé-je en comprendre aussi le danger. 3. Le troisième et le plus dangereux effet du péché véniel, surtout lorsqu'il est commis avec plus de connaissance et de délibération, c'est qu'il dispose et conduit au péché mortel. Premièrement, par la liaison qu'il y a de l'un à l'autre, et par l'habitude du péché qu'il produit. Car, en commettant souvent des fautes légères, l'homme s'accoutume à agir contre les lumières de la raison, à passer sur l'indécence et la difformité d'une mauvaise action, à étouffer les remords de sa conscience, à craindre moins de déplaire à Dieu, jusqu'à ce qu'il perde peu à peu l'horreur du péché mortel. Le penchant au mal est toujours rapide, il est difficile de se retenir sur la pente d'une montagne escarpée, on court risque de ne s'arrêter qu'au fond de l'abîme. Deuxièmement, par la diminution ou même la privation des grâces spéciales qui soutenaient cette âme et la préservaient des grands péchés. En effet, le péché véniel refroidit nécessairement la ferveur de la charité, il obscurcit la lumière intérieure, il prive l'âme de la force, de la joie, de l'onction du Saint-Esprit, il ôte le goût des choses célestes et attache à la créature. Il augmente les ardeurs de la concupiscence, il donne plus d'empire aux démons sur notre âme, et parce qu'il s'enhardit à nous tenter, et parce que Dieu permet, en punition de nos infidélités, qu'il nous attaque avec plus de violence. Troisièmement, c'est la doctrine de l'Écriture et des Pères, Celui qui méprise les petites choses tombera peu à peu et comme par degrés dans le précipice. L'Ecclésiastique 19, 1, c'est l'avertissement de l'Esprit Saint. Celui qui est infidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Luc 16, 10, c'est la parole même du Sauveur. Évitons donc les moindres péchés, dit Saint Jean Chrysostome, puisqu'ils sont la source des plus grands, car celui qui s'habitue à dire de chaque péché, mon salut n'y est point intéressé, tombera insensiblement dans les plus grands maux. Saint Chrysostome in épître aux Romains 8. Si nous négligeons de nous corriger des fautes légères, dit Saint Grégoire, nous serons entraînés peu à peu à commettre sans rougir les plus grandes. Les paroles de Saint Augustin ne sont ni moins formelles ni moins remarquables. Ne méprisez pas les péchés véniels, par la raison qu'ils sont légers, mais craignez-les plutôt, parce qu'ils sont en grand nombre, car les fautes véniels multipliées, lorsqu'on n'en fait aucun cas, conduisent à la mort. Saint Augustin de Decemcordis, chapitre 11, et, sur Jean 12, numéro 14. Des raisons aussi fortes, des autorités aussi imposantes, me font-elles comprendre le danger du péché véniel? Troisième point, châtiment du péché véniel. 1. Il est certain que Dieu ne peut s'empêcher, sans manquer à sa sainteté et à sa justice, de punir le péché véniel, même le plus léger, à moins que le pécheur ne le punisse lui-même par des peines volontaires ou volontairement acceptées, et souffertes avec patience, comme venant de la main de Dieu. 2. Dieu punit souvent le péché véniel dès cette vie par des châtiments sévères, comme le prouvent plusieurs exemples tirés de l'Écriture sainte. Ainsi, la femme de l'aune jette un regard sur les flammes qui dévorent deux villes coupables, et elle est changée en statue de sel, Genèse 19, 26. Les Bethsamites considèrent l'arche sainte contre la défense du Seigneur, et ils sont frappés de mort, 1 roi, 6, 19. Osaïe porte la main, et il meurt, 2 roi 6, 8. David se complète dans la multitude de ses sujets, et 70 000 sont enlevés par un fléau vengeur. 2 Rois 24, 15. Dans le Nouveau Testament, Ananie et Saphir tombent morts aux pieds de Saint Pierre pour un mensonge. Actes 5. 3. Mais c'est surtout en l'autre vie, c'est dans le purgatoire que Dieu punit le péché véniel selon la rigueur de sa justice. Descendons dans cette prison ténébreuse, et voyons ce que les âmes y souffrent. Premièrement, la privation de Dieu, mal plus grand, de sa nature, que tous les maux temporels de ce monde, selon saint Thomas. Pour le concevoir, il faudrait comprendre Dieu lui-même et la véhémence du désir dont une âme dégagée de lien du corps est pressée de le posséder, car il est son souverain bien, le bien infini, le bien pour lequel elle est créée, bien qui est sa plénitude, et dont la possession lui est justement différée. Deuxièmement, la peine du feu, et d'un feu qui est le même que celui de l'enfer, selon l'ange de l'école, c'est dans les mêmes flammes, dit-il, que le juste est purifié dans le purgatoire, et que le réprouvé est tourmenté en enfer. Saint Thomas d'Aquin. Saint Cyril de Jérusalem est de ce sentiment, et dit que la peine du sang est égale en purgatoire et en enfer, sauf la durée. Or nous sommes assurés que Dieu ne punit jamais par passion, qu'il n'exerce point de vengeance, que sa justice ne règle et que sa miséricorde n'adoucisse. Ajoutons que ceux qu'il punit de la sorte sont ses amis, ses élus, ses enfants et les héritiers de son royaume. Enfin, ces flammes cruelles et cette privation de Dieu peuvent être le châtiment d'un seul de ces péchés que je commets si souvent, et dont j'ai si peu de repentir. Au péché, léger selon le langage des hommes, que tu es un grand mal dans la réalité, et combien tu es à craindre. Fruit. Recueillir de cette même méditation une constante et vive horreur de tout péché véniel, au moins délibéré, de celui surtout premièrement dans lequel je tombe plus fréquemment, deuxièmement qui est en moi la source et la cause de plusieurs autres, troisièmement qui peut me conduire plus directement au péché mortel. Résolution. Fuir le péché, même léger, comme l'aspect du serpent, Ecclésiaste, 21, 2. Demandez à Dieu cette grâce en faisant les trois colloques du troisième exercice de la première semaine. Markendanarchive.org, 2020, d'après Archive.org Université de Toronto, Université d'Ottawa et livremystique.com, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.